Bismillahir Rahmanir Rahim. Louange à Allah qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité afin de la faire triompher sur toute autre religion. Ce messager, par qui il fit apparaître la vérité, la dissocia du faux. Il a appelé à affirmer et proclamer l'unicité d'Allah dans son adoration, en mise en garde contre l'associationnisme. Afin de concrétiser cela, il appela à se cramponner à sa sunna et mise en garde contre le fait d'ajouter à sa religion ce qui n'en fait pas partie, avant même que cela ne survienne. Il a transmis le message qui lui avait été confié. S'est déchargé de la mission qui lui avait été donnée. Il fut d'un conseil loyal vis-à-vis de la communauté et lutta dans le sentier d'Allah jusqu'à ce que lui vienne la certitude de la mort. Il mourut en laissant en héritage sa religion, complète, parachevée, claire de nuit comme de jour, dont seul celui qui est voué à la perdition en dévie. Car le couvre donc d'éloges et salue son serviteur et messager, notre prophète Mohammed, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci dit, Allah a, dans son livre et par la bouche de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, établi des règles régissant le comportement que doit adopter le croyant vis-à-vis de ceux qui s'opposent à la vérité. Ceci nous mène à aborder un sujet important qui n'est autre que celui du hadr. Le hadr vise ceux qui s'opposent à la vérité, à ce sur quoi était le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Il a pour sens le délaissement, l'éloignement, le fait de s'écarter, le fait de se détourner ou encore de boycotter et de mettre en quarantaine. Tous ces sens-là font partie des acceptions du terme hadir. L'importance de ce sujet se manifeste par son lien étroit avec l'un des fondements de la religion qui n'est autre que le fondement de l'alliance et du désaveu. Al-wala wal-bara. Nous abordons ce sujet du fait de l'ignorance ambiante qui règne autour de ce principe, de laquelle résulte l'exagération de certains et le laxisme d'autres. Et tout cela n'est pas surprenant au final, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informa à ce sujet, comme l'ont rapporté de lui Al-Bukhari et Muslim d'après Anas. Parmi les signes de la fin des temps, le fait que la science disparaisse et que l'ignorance s'installe. Ils ont aussi rapporté d'après Abdullah ibn Amr ibn al-As que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne reprend pas la science à l'arrachant de la poitrine des serviteurs, mais il reprend plutôt la science par la mort des ulama. » À tel point que lorsqu'il ne reste plus de savants, les gens prennent alors à leur tête des ignorants qui sont questionnés et qui répondent sans science. C'est ainsi qu'ils s'égarent et qu'ils égarent. Également, parmi les causes qui nous ont menés à traiter ce sujet, la multitude de propagandes visant à altérer la réalité de ce principe religieux. Ceci étant également lié à l'exagération et au laxisme précédemment mentionné. Ainsi, ceux qui exagèrent vont mettre en pratique ce principe dans des conditions qui ne s'y prêtent pas, dans des situations qui ne s'y prêtent pas, et à l'encontre de personnes qui ne le méritent pas. Les laxistes, quant à eux, ne mettent pas en pratique ce fondement lorsqu'il faudrait le faire. Et c'est la position de juste milieu qui doit être recherchée et adoptée, comme il fut dit, « وَلَا تَغْلُوا فِي شَيْءٍ مِّنَ الْأَمْرِ وَاقْتَصِدْ كِلَا طَرَفَيْ قَصْدِ الْأُمُورِ ذَمِيمُ » N'exagère en rien dans tes affaires et sois pondéré. Les deux extrêmes dans l'histoire sont à jamais blâmés. Le juste milieu est une caractéristique inhérente à la voie de la sunna, avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Il est donc important d'étudier cette dernière, et quel que soit le domaine de la religion, sache que le juste milieu réside dans le suivi scrupuleux de la sunna selon la compréhension des pieux prédécesseurs. En outre, les informations que l'on va rapporter à ce sujet sont majoritairement tirés du livre Ta'ammulat fi mas'alat al-hajr fi dhaw' al-kitab wa sunnah, réflexion portée sur la question du hajr à la lumière du Coran et de la sunnah selon la compréhension des pieux prédécesseurs du noble shir Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari, qu'Allah le préserve. Il s'agit donc ici d'un résumé dans lequel certaines parenthèses seront ouvertes. Il est important de mentionner cela, afin que ne soient pas attribués au cheikh certains propos qu'il n'aurait pas tenus. J'invite d'ailleurs toute personne qui souhaiterait prendre connaissance avec exactitude des développements du cheikh à consulter le livre susmentionné. Ceci dit, cette conférence s'intitule « Exposé résumé de la position de juste milieu à adopter » concernant le hadr, et c'est Allah qui accorde la réussite. Le premier point que nous aborderons concerne la définition du hadr. Il faut savoir que dans son sens linguistique, le hadr, c'est l'interruption. Quant à son sens religieux, c'est le fait de s'écarter, de se détourner d'autrui par le corps, la langue et ou le cœur, la base résidant dans ce dernier. Ainsi, il incombe à tout un chacun d'y concrétiser cela vis-à-vis de ceux qui s'opposent à la vérité et de ceux qui s'y opposent. En outre, il ressort des textes deux sortes de hadir. Le premier étant interdit et le second légiféré. Mais avant d'entrer plus en détail dans ce sujet, il est important d'attirer l'attention sur un des fondements de cette religion qui n'est autre que l'obligation d'être unis sur la vérité. Par la vérité et pour la vérité. Sur la vérité, c'est-à-dire sur la religion et non pas sur le faux. Par la vérité, par des moyens religieusement légiférés. Pour la vérité, en recherchant l'agrément d'Allah et sa récompense dans l'au-delà. En effet, l'exalté a dit dans la traduction approximative du sens de sa parole « Et cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne vous divisez pas. » L'imam muslim rapporte d'Abu Huraira que ce dernier attribua au prophète sallallahu alayhi wa sallam à la parole « Allah agrée pour vous trois choses et il en réprouve trois autres. Il agrée pour vous que vous l'adoriez et ne lui associez rien dans l'adoration et que vous vous cramponniez tous ensemble au câble d'Allah et que vous ne vous divisiez pas jusqu'à la fin du hadith. » Le fait que le câble d'Allah soit cité ici démontre qu'il ne s'agit pas d'une simple union. D'ailleurs, ce câble désigne de manière générale ce sur quoi était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Allah ayant ordonné l'union et interdit la division, la base dans le hajr, c'est l'interdiction. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté d'après Abu Ayyub al-Ansari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'est pas permis à un homme de s'écarter de son frère plus de trois nuits, dans le sens qu'ils se rencontrent et que chacun se détourne de l'autre. Et le meilleur d'entre eux est celui qui salue le premier. » Cette interdiction est générale, mais cette généralité est restreinte. On parle alors en arabe d'Al-Am al-Makhsous. Al-Am al-Makhsous, c'est ce qui est général et restreint à la fois. Car en effet, il existe une autre sorte de hadir, cette fois-ci légiférée. Nous pouvons la retrouver entre l'homme et son épouse lorsque ce dernier s'écarte d'elle dans la couche, lui tournant le dos, ainsi que lorsque le père s'écarte quelque peu de son enfant afin de l'éduquer, ou encore lorsque le croyant s'éloigne de ceux qui se rendent coupables de désobéissance envers Allah, parmi eux les innovateurs. L'imam Abu Daoud a dit dans ses sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est écarté de certaines de ses épouses durant 40 jours, et Ibn Omar s'est écarté de son fils jusqu'à ce qu'il meure. On retrouve donc ici la permission du hadir, ainsi que dans la parole d'Allah, dont la traduction approximative du sens est « Et ne tendez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindrait. » Et également dans sourate Al-An'am, quand tu vois ceux qui pataugent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament un autre discours. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. De même, Al-Bukhari et Muslim ont rapporté l'histoire de Ka'b ibn Malik, ainsi que de ceux qui s'étaient désistés de la bataille de Tabouk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons les ont mis à l'écart durant 50 nuits, au point que tout le monde se détournait d'eux, y compris les membres de leur propre maison. L'imam al-Tabari a dit, ce hadith-là est un fondement en matière de mise à l'écart des désobéissants. Notons que ses compagnons se sont par la suite repentis et qu'Allah accepta leur repentir. Également, l'imam al-Baraoui a dit en commentaire de ce hadith, c'est une preuve du caractère légiféré du boycott des innovateurs et ce sans limite de temps. Il a déduit de ce hadith la légitimité du boycott des innovateurs sans limite de temps, bien qu'il ne s'agisse pas d'innovateurs dans le hadith précité. Et ce, car les innovateurs sont à plus forte raison concernés par le hadr que les simples désobéissants, du fait notamment de la gravité de l'innovation et du fait qu'elle est pire que la seule désobéissance. On déduit donc de tout cela l'existence de deux types de hadr. Un étant interdit et l'autre légiféré. Et la distinction entre les deux se fait dans la cause qui les motive. C'est dans ce sens que l'imam al-Baraoui a dit l'interdiction de faire dépasser le hadr plus de trois nuits concerne ce qui est lié au manquement en matière de droit commun ou de bienséance, pas ce qui est lié à la religion, car le fait de s'écarter des innovateurs est de vigueur jusqu'à ce que ces derniers se repentent. Et un peu plus loin, l'imam al-Baraoui mentionna le consensus al-Ijma' des salafs à ce sujet. Et vous n'êtes pas sans savoir, hafidhakum Allah, que le consensus, lorsqu'il est établi, constitue une preuve religieuse à part entière. Hafidh al-Hakami disait, adillatu shar'i sharifi arba'ah, wahkamu ayin sunnatun muttaba'ah, wathalithu l'ijma'u haythu yanjali, warrabi'u l'qiyas, wakhsusil jali. Dans ces quelques vers, il a formellement mentionné les différents types de preuves religieuses, le Coran, la Sunna, le consensus, ainsi que Al-Qiyas, c'est-à-dire l'analogie. Le second point que nous allons aborder dans cet exposé résumé sera l'occasion d'énumérer les finalités religieuses recherchées par le Hajr et sa mise en application. Il faut savoir que ces finalités sont très importantes et le caractère crucial que revêt le fait de les mentionner apparaît d'un constat. Celui que deux types de personnes se sont prononcées sur le Hajr en négligeant ou en ne mentionnant pas de manière assez exhaustive ces dernières. Parmi eux, des innovateurs qui ont parlé du Hajr et ont négligé volontairement ou pas la mention de ses finalités religieuses afin de s'ouvrir des portes leur permettant de s'infiltrer dans les rangs des adeptes de la Sunna et de fermer les portes de la critique et de la mise à l'écart de ces derniers. De même, certains salafis, adeptes de la Sunna, qui, pour fermer les portes aux excès dans la question du Hajr, et sûrement sans s'en rendre compte, ont omis de mentionner de manière assez exhaustive ces finalités. Il est donc important ici de les mentionner et de les commenter de manière brève. La première de ces finalités, le premier de ces objectifs, c'est la concrétisation de l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme nous l'avons vu au travers des quelques versets précédents, notamment de la sourate Hud et de la sourate Al-An'am, en effet, le fait qu'Allah donne ces ordres-là, lorsqu'il dit « ne tendez pas », lorsqu'il dit « détournez-vous », prouve que cela est aimé de lui. Car lorsque Allah ordonne une chose, que celle-ci relève de ce qui est obligatoire ou recommandé, c'est une preuve que cela est aimé de lui. Et ce qui est aimé de lui comme parole et acte relève de l'adoration. Et donc mettre en application ces ordres revient à concrétiser l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Bukhari Muslim firent mention du hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en s'adressant à son épouse Aïcha radiallahu anha, récita le verset de la sourate Ali Imran, dont la traduction approximative du sens est « C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre ». Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base fondamentale du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à équivoque. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque, cherchant par là la dissension et à mal les interpréter, alors que nul n'en connaît le sens à part Allah et ceux qui sont enracinés dans la science. Ces derniers disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur ». Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors, lorsque vous verrez ceux qui mettent l'accent sur ceux qui prêtent à équivoque, alors sachez que ce sont ceux-là qu'Allah a nommés, méfiez-vous donc d'eux. On retrouve ainsi de nouveau l'ordre de se méfier. Tout cela montre que ce type de comportement dans ce genre de situation est aimé d'Allah et fait donc partie de son adoration. Et l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de ce hadith, cela comporte la preuve de la mise à l'écart des déviants et des innovateurs. Fin de ses propos. A noter que ce qui peut prêter à équivoque désigne les textes qui nécessitent de prendre en considération d'autres textes afin de comprendre le sens religieux voulu. Deuxième finalité, deuxième objectif résidant dans la mise en application du Hajr, la concrétisation de l'alliance et du désaveu en religion. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam aborda le principe d'alliance et de désaveu, il dit « L'anse la plus ferme de la foi est le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah. » C'est pour cela que certains gens de science ont dit « وَمَا الدِّينُ إِلَّا الْحُبُّ وَالْوَلَا كَذَاكَ الْبَرَى مِنْ كُلِّ غَاوٍ وَآثِمِ » Et la religion n'est autre que l'amour et l'alliance, de même que le désaveu de tout égaré pécheur. Et on retrouve cela dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens est « Ô vous qui avez la foi, ne prenez pas comme alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné avant vous et parmi les mécréants, et craignez Allah si vous êtes réellement croyants. » On retrouve également dans les propos de l'imam Shawkani, en commentaire et explication de ce verset, ce qui suit. Les innovateurs sont également visés par cela. Et tous ceux qui, de manière générale, seraient concernés par cela et dans lesquels la cause ayant mené cette interdiction serait présente. La cause étant le fait de prendre en raillerie et jeu la religion. On retrouve la mise en application de cela chez les salafs, qui visèrent par là la concrétisation des principes d'alliance et de désaveu, qui sont deux choses inséparables et indissociables. Et la religion n'est pas qu'alliance sans désaveu, ni seul désaveu sans alliance. Imam Sabouni, dans son livre « Aqidatu Salaf » ou « Ashab al-Hadith » a fait mention de manière formelle de la voix des salafs et des partisans du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant cela, et il a dit « Il déteste les gens de l'innovation, qui instaurent dans la religion ce qui n'en fait pas partie. Il ne les aime pas, il les déteste, il ne les côtoie pas, ne les écoute pas, ne les fréquente pas, et il ne cherche pas à débattre avec eux ni à polémiquer. Il considère qu'il est obligatoire de préserver les oreilles du faux qu'il véhicule. Étant donné que le faux que ces gens-là cherchent à diffuser, lorsque les oreilles l'entendent, il est possible qu'il vienne s'installer dans les cœurs et qu'il soit alors, nuisible et mène à des insufflations mauvaises qui pourraient engendrer beaucoup de maux. » Fin des propos de Sabouni rahimahullah ta'ala. Dans la mise en application du Hajr, on retrouve également ce qu'a mentionné Al-Dhahabi dans son livre « Siyar A'lami Nubala » dans la biographie de Thawr Ibn Yazid al-Himsi, qui faisait partie des Qadariyya, cette secte se réclamant de l'islam et qui s'était égarée dans la question du destin, de la prédestination et du décret d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Thawr Ibn Yazid al-Himsi rencontra un jour l'imam al-Awza'i et lui tendit la main. L'imam al-Awza'i, l'imam des gens du Sham. Cependant, al-Awza'i refusa de la lui serrer. Et il lui dit, « Ô Thawr, si jamais c'était pour ce bas monde, alors il y aurait du rapprochement entre toi et moi. Mais là, c'est pour la religion. » On voit donc ici que l'imam al-Awza'i refusa de serrer la main à Thawr afin de mettre en application et de concrétiser le principe d'alliance et de désaveu. Il est utile ici de mentionner un point très important, car certaines personnes ont du mal à appréhender tout ce qui a trait au désaveu et ce qui en découle comme hadir, étant donné qu'il est possible qu'elles aient un tempérament tendant vers le laisser-aller et la douceur systématique. En réalité, le désaveu et ce qui peut en découler comme hadir ne sont qu'une manifestation de la miséricorde et de la compassion du croyant vis-à-vis, entre autres, de celui qui s'oppose à la sunna. Car une personne vraiment compatissante et miséricordieuse envers une autre qui a innové dans la religion ou qui s'oppose à la vérité fera preuve de fermeté à son égard. D'ailleurs, Abu Nu'aym fit mention dans son livre Al-Hilya, d'après Yusuf ibn Aswat, que Soufiane Thawri a dit « Si tu aimes quelqu'un pour Allah, puis que ce dernier innove dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, et que tu ne te mets pas à le détester pour Allah, alors sache qu'en vérité, tu ne l'as jamais aimé pour Allah. » L'imam Safarini a dit dans son livre « Ridha al-Albab » que l'imam Ahmed ibn Hanbal a mis en application le hajr, s'est détourné et a mis à l'écart un certain nombre de personnes qui avaient flanché durant l'épreuve, c'est-à-dire l'épreuve de la croyance égarée qui s'était répandue à son époque, à tel point que certains dirigeants musulmans avaient adopté cette croyance-là, cette croyance qui consistait à dire que le Coran est créé. S'en suivit une épreuve sans pareil qui toucha les adeptes de la sunna, qui défendaient la vérité et avaient réfuté cette parole innovée, empreinte de mécréance, qui consistait à considérer que le Coran est créé. Alors que le Coran, comme vous le savez, c'est la parole d'Allah incréée. Parmi ceux qui ont été éprouvés par cela, l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, ainsi que d'autres adeptes de la sunna qui furent menacés et torturé lors de cette épreuve. Cependant, certains adeptes de la sunna ont flanché face à elle. Il s'en suivit que l'imam Ahmed mise en application le hajj sur cela, sachant que parmi eux, il y avait entre autres l'imam Yahya ibn Ma'in, ainsi que Ali ibn al-Madini, qui jouissaient d'un haut rang au sein de la communauté. L'imam Safarini continue en disant, « Et combien d'imams ont mis à l'écart pour Allah certains êtres proches plus chers à leurs yeux que leur propre personne, et cela uniquement du fait qu'ils n'ont pas respecté certaines limites instaurées par Allah. Et c'est ainsi que ces imams-là se retrouvèrent face à eux, tels des choses inertes ou pire encore. » Fin des propos de l'imam Safarini, rahimahullah. Et tout cela relève de la miséricorde et de la réelle compassion. Mais malheureusement, beaucoup de gens à notre époque ne connaissent pas le sens réel de ces termes. Et une personne qui fait preuve de fermeté avec toi, lorsque tu t'écartes du droit chemin, afin que tu y reviennes, est préférable à celle qui va te laisser dans ton égarement. Troisième point, troisième finalité, troisième objectif, résidant dans la mise en application du hadr, le commandement du bien et la condamnation du blâmable. On retrouve dans la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dans la traduction approximative du sens est la suivante. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits à la bouche de Daoud et de Isa, fils de Maryam. Parce qu'ils désobéissaient et transgressaient, ils ne s'interdisaient pas les uns les autres le blâmable qu'ils perpétraient, comme est mauvais ce qu'ils faisaient. L'imam muslim rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, « Quiconque parmi vous voit quelque chose de blâmable, doit le corriger par sa main. Et s'il ne le peut pas, alors avec sa langue. Et s'il ne le peut pas, alors avec son cœur. Et c'est là le seuil minimum de la foi. » Ce sont là des preuves appuyant l'obligation du commandement du bien et de la condamnation du blâmable. Soulignons également que l'on retrouve dans ce dernier hadith, à savoir celui d'Abu Sa'id al-Khudri, ce que nous avons mentionné précédemment dans la définition du hajr, à savoir le fait de s'écarter par le corps, la langue ou le cœur, ce dernier étant le minimum obligatoire et étant quelque chose d'immuable, et ce, si tu n'as pas la possibilité de le faire avec le corps ou la langue. Quatrième point, quatrième finalité, quatrième objectif, la loyauté vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Imam Muslim rapporte d'après Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La religion c'est la loyauté, la religion c'est la loyauté, la religion c'est la loyauté. » Ses compagnons de lui dire alors « Vis-à-vis de qui ?» Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Vis-à-vis d'Allah, de son livre, de son messager, des imams des musulmans et du commun d'entre eux. » Qatada, lorsque la question lui a été posée et qu'il se mit à critiquer certaines personnes et qu'on lui a rétorqué « Ne serait-ce pas ici de la médisance ?» Il répondit « Lorsqu'un individu innove dans la religion, il est obligatoire de le mentionner pour que les gens soient sur leur garde. » Donc ceci fait partie de la loyauté envers l'ensemble de la communauté que de mettre en application ce genre de principe. On retrouve cela aussi dans les agissements de Soufiane Thawri qui se présenta à la prière mortuaire qui devait se faire sur Ibn Abi Rawad et qui était tombé dans l'innovation d'Al-Irja. Soufiane Thawri se présenta sans pour autant prier sur lui. Il lui a alors été dit « Pourquoi n'as-tu pas prié ?» Et il dit « Par Allah, je considère qu'il faut prier sur certaines personnes qui sont pires que Ibn Abi Rawad. Mais en vérité, j'ai voulu par cela montrer aux gens que cette personne était morte sur l'innovation. » Également dans l'ouvrage « Tabaqat al-Hanabila » ou « Al-Hanabila », excusez-moi, on retrouve l'histoire qui fut rapporté au sujet de l'imam Ahmed ibn Hanbal et de l'imam al-Maroudi, qui lui dit « Que dis-tu d'un homme qui se préoccupe de jeûner et prier et qui s'abstient de critiquer les innovateurs ?» L'imam Ahmed fronça les sourcils et dit « S'il prie, qu'il jeûne et qu'il s'isole des gens, alors cela et restera à sa propre personne. » Et l'imam al-Maroudi approuva cela et l'imam Ahmed continua en disant « Tandis que s'il parle et critique les gens de l'innovation, alors ce sera dans son intérêt et celui d'autrui. Et nul doute que cela est préférable. » On se rend compte ici que la priorité réside dans l'intérêt général et la loyauté envers le commun des musulmans. On retrouve cette même finalité dans la question qui fut également posée à l'imam Ahmed par une personne qui lui dit « je ressens en moi une certaine gêne quant au fait de m'exprimer au sujet des innovateurs. » Et l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala lui répondit, « Si toi tu te tais, et que moi je me tais, quand est-ce que l'ignorant va-t-il savoir ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas ?» Cinquième finalité, cinquième objectif, le fait que la personne sur qui le hadr est appliqué revient dans la vérité. Ibn Hani questionna l'imam Ahmed au sujet d'une personne qui innove dans la religion et qui appelle les gens à cette innovation. Doit-on le fréquenter ? L'imam Ahmed répondit, on ne doit ni le fréquenter, ni lui adresser la parole. Peut-être reviendra-t-il. Il a également été rapporté de lui cette parole. Si on sait qu'une personne persiste dans la désobéissance et que cette dernière est au courant de cela, alors on ne commet pas de péché si on s'éloigne d'elle afin qu'elle revienne. Mais si l'on n'agit pas de la sorte, quand est-ce que celui qui est tombé dans le faux se rendra-t-il compte que ce dans quoi il est tombé est répréhensible ? S'il ne rencontre personne qui le blâme et qu'il ne voit aucun ami proche s'éloigner de lui. Troisième point que nous aborderons, après avoir mentionné la définition du hadr et les différentes finalités religieuses résidentes dans sa mise en application, c'est un point qui est relatif à ce qui est appelé le hadr de protection. Al-hadr al-wiqa'i. Ici, il est intéressant d'attirer l'attention vers le fait que de viser les finalités précédemment citées permet en réalité de prendre en considération ce que l'on appelle al-hajr al-wiqa'i, le hajr de protection. Ce dernier étant le fait que la personne se doit obligatoirement de s'écarter de toute personne qui constituerait un danger pour sa religion. L'imam Darimi rapporte dans ses sunan que l'imam Abu Qilaba a dit « Ne fréquentez pas les adeptes des passions. » Les adeptes des passions, ce sont ceux qui obéissent aux penchants de leurs âmes. Ça désigne les innovateurs. Ne fréquentez pas les adeptes des passions, car je crains pour vous qu'ils ne vous fassent tomber dans leurs égarements, ou qu'ils ne sèment le trouble dans vos esprits à propos de ce que vous connaissez de la vérité. Ibn Battah, dans Al-Iban al-Sughra, après avoir rapporté avec sa propre chaîne de transmission le hadith d'Imran, qui a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui parmi vous qui entend parler de la sortie du Dajjal, qu'il s'en éloigne autant qu'il peut, car l'homme se présentera à lui en se considérant croyant. Mais peu de temps s'écoulera avant qu'il ne se mette à le suivre à cause de ce qu'il verra auprès de lui comme ambiguïté. » Imam Ibn Battah, en commentaire de ce hadith, a dit « Et sois bien attentif, barakallahu fik, à cette recommandation pleine de compassion de la part de cet imam, rahimahullahu ta'ala. Il a dit ceci est la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est le véridique et digne de confiance. Donc Allah, ô musulmans, que la bonne opinion que l'un d'entre vous a de sa propre personne et que la connaissance qu'il a de l'authenticité de la voie qu'il suit ne le mène pas à mettre en danger sa religion en s'asseyant avec des personnes suivant les penchants de leurs âmes en disant « Je ne les côtoie qu'afin de débattre. Je ne le côtoie qu'afin de débattre avec lui ou qu'afin de déceler réellement la voie qu'il suit. » Car la tentation de ce genre de personnes-là est encore plus prononcée que celle du Dajjal. Et les propos que ce genre de personnes-là tient sont encore plus collants que la gale et plus brûlants pour les cœurs que la flamme. Et j'ai pu voir des gens les maudire et les insulter puis s'asseoir avec eux afin de les blâmer et de les réfuter. Mais les faux-semblants, le zèle et la ruse cachée de ces gens-là, ajoutés à leur mécréance subtile et pernicieuse, les fit à terme pencher vers eux. Fin des propos de l'imam Ibn Battah, rahimahullahu ta'ala, et ô combien la nuit d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier, comme on dit. Car voilà, que de nos jours des frères fermement accrochés à la sunna, souffrant d'un excès de confiance en eux, se mirent à débattre avec ces gens, et à aller vers eux afin de les réfuter et de les blâmer, ou à aller sur leur site internet afin de voir quelles sont leurs positions exactes, et on finit par la suite pire qu'eux, car ils en verrent à tomber dans leurs ambiguïtés. Et une fois tombés dans l'innovation, tu les retrouves aigris, avec une rancune sans pareille contre les adeptes de la sunna, leur déclarant une guerre telle que même les innovateurs qu'ils voulaient à la base blâmer et réfuter n'ont pas mené. Il est donc impératif que le musulman s'écarte de toute personne qui constituerait un danger pour sa religion. Le quatrième point que nous aborderons dans cet exposé résumé concerne les différentes formes de hajr. Nous avons vu que la mise en application du hajr se fait par le cœur, la langue et le corps. Le hajr par le cœur constituant la base immuable sur laquelle tout musulman doit s'appuyer. Et quelles que soient les circonstances, le musulman ne doit pas y déroger face à ceux qui contredisent la voix du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et de ses compagnons, qu'Allah les agrée. Le hajr peut se décliner sous une forme totale ou partielle. Ainsi, l'application de l'une ou l'autre des formes dépendra du contexte. Dès lors, tu peux retrouver le hajr total par le corps dans le fait de quitter un pays. Comme dans la parole de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui disait « Il n'est pas permis de résider dans un pays dans lequel les salafs sont insultés. » Autre exemple, le fait de refuser de manière catégorique et totale de rencontrer un innovateur. Ce sont là donc des exemples du hajr total qui est fait par le corps. Continuons en abordant cette fois-ci le fait que le hajr par le corps peut aussi être partiel. C'est le cas de l'homme avec sa femme, si cette dernière est désobéissante et s'entête dans cela et que l'exhortation n'a pas porté ses fruits. Alors il sera amené à appliquer sur elle le hajr de manière partielle, en lui tournant le dos dans le lit, mais sans laisser apparaître cela devant les enfants ou la famille, et encore moins devant des personnes extérieures au foyer. Il n'y a donc pas qu'une seule manière d'appliquer le hajr, et c'est là quelque chose de très important. Un point que nous devons impérativement assimiler. Cinquième point, comment mettre en pratique le hajr sur celui qui le mérite? Il faut savoir que les intérêts du hajr sont de deux ordres. Un ordre général et un autre particulier. L'intérêt général réside dans les quatre premières finalités visées par la mise en application du hajr, que nous récapitulons ici. La première, c'était la concrétisation de l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La seconde, la concrétisation de l'alliance et du désaveu en religion. La troisième, le commandement du bien et la condamnation du blâmable. Et la quatrième, la loyauté vis-à-vis de l'ensemble de la communauté. Quant à l'intérêt particulier, il réside dans la cinquième finalité. Et la cinquième finalité, nous l'avions mentionné, et c'est le fait que celui sur qui le hajr est mis en application revienne à la vérité. Le croyant doit chercher à concrétiser et atteindre tous ses objectifs, autant que faire se peut. Ainsi, s'il peut préserver l'intérêt général tout en faisant preuve de douceur vis-à-vis de celui qui a contredit la vérité, il le fera. Sinon, il n'hésitera pas à utiliser ce genre de remède, à savoir le hajr, étant donné que l'intérêt général prime sur l'intérêt particulier. On observe cela dans les agissements des pieux prédécesseurs de cette communauté. Ainsi, Ibn Umar, radiyallahu anhuma, lorsqu'une personne est venue le voir pour lui faire part de ce que certains innovateurs prétendaient dans le sujet du destin, a dit, lorsque tu les rencontres, informe-les que je suis innocent d'eux et qu'ils sont étrangers à moi. Il s'est donc ouvertement désavoué d'eux, car il prise en considération l'intérêt général, résidant dans la sauvegarde de la religion et dans la prévention du commun des musulmans. Il fit donc primer celui-ci sur l'intérêt particulier. On retrouve un exemple similaire à la personne de l'imam Malik ibn Anas, lorsqu'il fut interrogé sur le comment de l'élévation d'Allah al-Istiwa. Et vous n'êtes pas sans savoir que ce type de question est interdite en religion, car le comment n'a pas à être demandé concernant les attributs d'Allah. L'imam Malik baissa alors la tête, transpira du fait de la gravité de la question qui lui fut posée et dit « L'élévation est connue, c'est-à-dire son sens. Le comment est inconnu de nous, car seul Allah n'a le savoir. » Le fait d'y avoir foi est obligatoire. Et poser une question à son sujet est une innovation. Il ajouta, et je ne vois en toi qu'un innovateur. Et il est rapporté, dans certaines versions de cette histoire, de ce récit, qu'à partir de là, l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, ordonna que cet individu soit sorti de la mosquée. Là encore, l'imam Malik a pris en considération l'intérêt général résidant dans la préservation de la religion, afin que n'y soit pas introduit ce qui n'en fait pas partie. Ainsi que dans la mise en garde du commun des musulmans alors présents, de même que des absents à qui aurait pu parvenir ce récit, le récit de cet événement. Le hadr envers l'opposant à la sunna est donc obligatoire. Mais la manière de le faire apparaître diffère selon le contexte, selon l'influence ou la position de force ou de faiblesse de l'opposant et de l'adepte de la sunna. Le hadr sera ainsi tantôt total et tantôt partiel. Le sixième point que nous abordons dans cet exposé résumé correspond à une question. Cette question qui est la suivante. L'obligation du hajr prend-elle fin lorsque la personne n'en a pas la capacité? Afin de répondre à cela, nous allons dire que certaines formes du hajr peuvent être amenées à disparaître dans certaines circonstances. Néanmoins, doit impérativement subsister chez tout adepte de la sunna le hajr par le cœur dans les situations qui l'entraînent. Ainsi, si un des adeptes de la sunna vit dans un endroit majoritairement peuplé d'innovateurs et qui doit se rendre, à titre d'exemple, dans une administration pour effectuer certaines démarches, alors nul doute que s'il met en application le hajr de manière totale, il sera peu probable qu'il obtienne satisfaction. C'est pourquoi il sera peut-être amené à répondre au salut de l'innovateur qui va l'accueillir, sans pour autant se complaire dans de longues discussions ou faire preuve d'amabilité. Il se contentera ainsi d'obtenir ce qu'il recherche, tout en gardant une certaine distance, se satisfaisant ainsi du strict minimum, sans aller plus loin. C'est peut-être également le cas d'une personne qui serait confrontée à un imam égaré d'une grande mosquée, influent au sein de la communauté. Ainsi, si la personne fait apparaître de manière totale le hajr envers cet imam, il y a de fortes probabilités que ce dernier utilise cela pour critiquer de manière ouverte les adeptes de la sunna sur sa chair, notamment le jour du vendredi, devant des centaines de personnes comptant parmi le commun des musulmans. Le mal qui en découlera sera donc très important, d'où la préconisation et la sagesse, dans ce cas, d'un hajr partiel, en lui serrant par exemple la main s'il se présente, sans pour autant lui sourire, lui montrant ainsi un certain désaveu. Ici, le fait de lui serrer la main, et c'est là un exemple, pour écarter un grand mal qui pourrait toucher la communauté, entre dans ce que l'on appelle en arabe « al-mudara », consistant à délaisser quelque chose lié aux affaires de ce bas monde afin d'atteindre un objectif religieux. Et c'est là le comportement des nobles et des véridiques. On retrouve ce comportement dans un hadith de Aïcha radiallahu anha qui relate qu'un jour, une personne demanda l'autorisation de s'introduire auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit « Laissez-le entrer !» Mais quel mauvais frère de tribu! Puis cette personne rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce dernier se montra avenant avec lui, jusqu'à ce qu'il s'en alla. Aïcha questionna alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant « Tu as dit ce que tu as dit à son sujet !» Faisant référence ici au fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Mais quel mauvais frère de tribu !» Donc Aïcha lui a dit « Tu as dit ce que tu as dit à son sujet. » Puis lorsqu'il est venu, tu te montras souriant avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Alors, m'as-tu déjà connu désobligeant ? Certes, parmi les pires des gens auprès d'Allah, ceux que les gens auront délaissés par crainte de leur mal. » Autrement dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été avenant et souriant envers cette personne pour écarter son mal. Et cela ne contenait aucun comportement répréhensible de sa part, mais il s'agit plutôt d'atteindre un objectif religieux, à savoir le fait d'écarter le mal de cette personne en concédant à cette dernière certains aspects de la vie de ce bas monde, à savoir le fait d'avoir été souriant. À l'inverse de ce noble comportement, on retrouve ce que l'on nomme « al-mudahana », qui consiste à faire des concessions dans la religion afin d'atteindre un objectif de ce bas monde Et c'est là le comportement des hypocrites, qu'Allah nous en préserve et nous en éloigne. Autre question, qui constitue d'ailleurs le septième point que l'on abordera dans cet exposé résumé, est-ce que le fait que la personne ait du poids au sein de la communauté est une condition à sa mise en application du Hajj? Ici, il y a une distinction à faire entre deux choses. Premièrement, le fait d'ordonner la mise en application du Hajj, et deuxièmement, le fait de mettre soi-même le Hajj en application. Pour en revenir à la question, nous dirons qu'il n'y a pas de doute que le fait que l'ordre de mettre le Hajj en application vienne d'une personne influente au sein de la communauté, telle qu'un savant ou un dirigeant, augmente de l'impact de cet ordre-là et de sa mise en application. Cependant, ce n'est pas là une condition. Aucune preuve n'élevant cela à ce rang. Quant au fait de mettre soi-même le Hajj en application, cela ne requiert pas à plus forte raison d'être influent au sein de la communauté. Autre question, correspondant au huitième point. Le Hajj est-il en opposition avec l'établissement de la preuve et le conseil dont le musulman est redevable vis-à-vis des musulmans? Comme nous l'avons vu précédemment, la base dans la relation entre les musulmans, c'est la douceur. Cependant, concernant celui qui s'oppose à la vérité, si la douceur avec lui ne porte pas ses fruits, alors il faudra envisager d'autres remèdes. Et comme il est dit, le dernier des remèdes, c'est la cautérisation. En d'autres termes, la dernière solution reste la manière forte. Et même en arrivant à ce stade, il reste possible d'établir la preuve contre l'opposant à la sunna, et il reste possible et envisageable de le conseiller. Car le conseil, et c'est là un point très important, barakallahu fikum, ne va pas obligatoirement de pair avec la fréquentation ou le côtoiement. En effet, tu trouves certaines personnes qui fréquentent des opposants à la sunna et qui les côtoient et qui argumentent par le fait qu'elles souhaitent les conseiller. Nous répondons que le conseil ne va pas obligatoirement de pair avec la fréquentation et le côtoiement. Et tu as la possibilité de conseiller sans pour autant fréquenter ni côtoyer. De même que tu as la possibilité d'établir la preuve sur celui qui déroge à la voie de la sunna sans pour autant le fréquenter ni le côtoyer. Rappelons à cet effet l'attitude de l'imam al-Awza'i face à Thawr ibn Yazid. Al-Awza'i refusa de lui serrer la main. Mais il ne délaissa pas le fait de le conseiller et d'établir sur lui la preuve. Étant donné qu'il lui a dit « Oh Thawr, si jamais c'était pour ce bas monde, alors il y aurait du rapprochement entre toi et moi. Mais là, c'est pour la religion. » Nous conclurons ce bref exposé en disant qu'il est important de revenir à ce sujet au comportement des salafs. Il est impératif d'observer leur comportement et de s'y tenir. Aussi, il est bon de revenir concernant le sujet du Hajj au texte du Coran et de la Sunna, et aux livres que les ulama de l'islam ont rédigés à ce propos. Notamment, les anciens parmi les imams et ulama de la sunna. Il est aussi bon de se tourner vers les ouvrages des savants contemporains en la matière, étant donné que ces derniers ont abordé des points relatifs à certaines ambiguïtés et incompréhensions contemporaines. Parmi les livres qui ont été écrits à notre époque. Il y a notamment le livre que nous avons tenté de résumer ici, Ta'ammulat fi mas'alati al-hajr fi daw' al-kitab wa sunnah wa fahmi salaf al-umma du noble shir Abdullah ibn Abdel Rahim al-Bukhari hafidhahullah ta'ala, et d'autres parmi les livres qui ont été écrits par les savants, qu'Allah fasse miséricorde à ceux d'entre eux qui sont morts et qu'il préserve ceux d'entre eux qui sont encore vivants. Quant à nous, nous allons nous en tenir à cela. Et Allah est plus savant. Et que ses éloges ainsi que son salut soient sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses nobles compagnons et tous ceux qui se cramponnent à sa voix jusqu'au jour dernier.